une histoire particulière. Un phare, un tunnel, le plus petit cimetière du monde, tels sont les lieux dont nous vous avons précédemment raconté les histoires. Vous vous souvenez, notre collection d'histoires de lieux? Voici le quatrième. À Paris, un certain nombre de places témoignent d'événements majeurs de notre histoire et sont devenus, depuis la fin du XIXe siècle, des lieux d'expression citoyenne. Rassemblements, manifestations, points de départ ou de dispersion de parcours militants. La place de la République fait partie des plus emblématiques. Attendons-nous donc sur la naissance de celle-ci lorsqu'elle s'appelait encore place du Château d'Eau. En 1855, on y construit la caserne qui accueille depuis 1947 la garde républicaine. Elle était initialement prévue pour 3200 hommes et sa superficie est équivalente à celle de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, Clémence Grosse et Julie Bérécy nous entraînent donc dans le tourbillon de cette place, son histoire, son sens, son rythme, sa construction, une place que l'on aime par tous les temps. Là, on est rue du Faubourg du Temple et on passe à côté du Gibus, à gauche. Donc là, on fait le tour de la fameuse place. C'est la première fois que je viens en camionnette, ça se fête. Tu veux que je tourne à droite ou à gauche? À gauche. Donc là, on est pile poil sur la place même. Avec à gauche ceux qui sont debout. Et puis à droite, ceux qui sont assis au troquet là-bas. Et quel temps fait-il? Ah, là, il fait un temps radieux, il pleut. Oh, doux bruit de la pluie, par terre et sur les toits. Donc là, c'est le doux bruit de la pluie dans ma camionnette. J'adore parce que quand le soir, je dors dans ma camionnette, quand il y a une pluie comme ça, en fait, ça fait des petits bruits sur la toiture. Et c'est là que je passe les meilleures nuits, en fait. Place de la République à Paris, une place à construire, une histoire particulière de Clémence Grosse et Julie Bérécy. La Seine est une place ouverte dans une lumière claire. Pour commencer, il y en a un qui s'enfuit rapidement. Ensuite, venu de la direction opposée, un second. Ensuite, deux, se croisant, chacun suivi à courte invariable distance d'un troisième et d'un quatrième dans la diagonale. Eux non plus ne s'installent pas sur la place, mais se disséminent, la quittent, sont déjà de retour. Et déjà, ceux de devant, celui du milieu de la place, celui tout au fond, ont redisparu. Tandis que défilent latéralement sur un châssis mobile une statue fixée à la verticale, et de même, suivant lui aussi un trajet latéral, passe un individu, se bouchant les oreilles au son flûté des sirènes, venu de droite et de gauche, qui enfle et devient une alarme glapissante. Aussitôt interrompue. Merci madame, c'est gentil, c'est super gentil. Je veux manger de la banane. J'ai soif, je veux boire du lait coco. Et si la place était la place de la République à Paris? République, place 2. Répu, quoi? Elle sera trajectoire, histoires grandes et petites, scène à ciel ouvert, le tout sous la pluie, une pluie comme un rideau de théâtre. Oui, commençons par là. Ouvrir la place de la République, raconter son début de quand elle s'appelait place du Château d'Eau. Puis la prendre, cette place, en rassemblement et revendication. Là, c'est République. Lui tourner autour pour s'y recueillir aussi, s'y attarder, être à ses pieds, attendre une histoire. Hier, aujourd'hui ou demain, du jour à la nuit et l'inverse, y ajouter ses pas au son assourdissant des boulevards, sirènes, haut-parleurs, voitures et motos, cris et rires, touristes, passantes et passants, toi, moi, nous, traversés de chers fantômes. Vous la présentez, en somme, comme une sœur que l'on aime et parfois déteste, mais qui toujours fera partie de vous. Place de la République, place à prendre, place à défendre, place à rêver, place à vivre, place à traverser, place à se faire, place à écouter. 3,4 hectares pour écrire un mouvement, raconter les allées-venues, habiter le paysage sonore, oui, d'une place publique. Enfonce-toi dans l'inconnu qui creuse, oblige-toi à tournoyer, disait René Char. Allons-y, au son des vivas alentours, aux échos de mes amis oreilles rencontrées là sur cette place et des autres qui la traversent. Nous, on a imaginé la place pour que ce soit une scène ouverte, c'est-à-dire que ce soit un espace qu'on puisse s'approprier, et avec une appropriation sous toutes ses formes. Antoine Vigé-Colère, architecte. Nous, on est très attachés à l'idée que cet espace reste disponible, que ça reste un espace démocratique. Après, ça veut évidemment dire qu'avec des occupations aussi diverses soient-elles, il y ait des dégradations, il y ait des tags, il y ait un certain nombre d'événements. L'espace public est fait de ça. Ce qui est important, c'est qu'on en prenne soin de la place. Vous voyez aujourd'hui, la place a été nettoyée, le sol est propre, etc. Donc c'est la vie d'un espace public. Il faut faire avec ça. Vous voyez, si vous prenez un espace public très classique, le boulevard haussmannien par exemple. Le boulevard haussmannien, c'est plusieurs choses en même temps. C'est un grand trottoir, c'est un commerce en pied d'immeuble, c'est un banc et un candélabre, c'est l'architecture d'un immeuble. Et tout ça est pensé ensemble. Je crois qu'on peut se dire que tous les espaces publics doivent pouvoir traiter de plusieurs choses à la fois et doivent pouvoir s'adresser à plusieurs types d'occupations, à plusieurs types de publics. De ce point de vue-là, c'est vrai que sur les grandes places parisiennes, il y a encore beaucoup d'espace qui est réservé à la circulation et autour desquels on pourrait imaginer d'autres formes d'appropriation. La place de la République a des conditions très particulières. C'est le toit du métro, il y a énormément de flux. Il y a la symbolique de ce qu'a toujours été la place comme espace de revendication populaire. Il y a la puissance symbolique de la statue. Il y a le fait qu'on soit entre trois arrondissements dont les sociologies sont particulières aussi. Troisième, le dixième, le onzième. Donc tout ça crée un environnement qui est très particulier, qui fait que cet espace-là et ses usages seront forcément caractérisés d'une certaine manière. La question, elle est bien celle d'équilibrer tout ça, de travailler, et de travailler à partir de ce que sont les espaces, de la configuration des espaces. En 1811, Louis-Simon Girard implante une fontaine qui va servir à approvisionner tout le quartier. Première fontaine du Château d'Eau qui va lui donner son nom. Géraldine Texier-Rideau. Docteur en histoire urbaine et architecte. Et qui va finalement former un espèce de point de référence qui va devenir aussi un lieu de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on se rejoint autour de cette borne fontaine. Pourquoi ? Parce que à proximité, il y a un grand nombre de théâtres, de cafés, tout à côté de ce qu'on appelle le boulevard du Temple ou le boulevard du Crime, où il y a beaucoup d'activités, un foisonnement dans l'espace public. Et effectivement, ça devient un lieu de rassemblement avant d'aller au théâtre ou de déambuler, puisque effectivement, c'est sur ces grands boulevards de la rive droite, qui est l'espace public parisien par excellence, le boulevard, qu'on flâne, qu'on déambule, qu'on se perd dans la ville. Et cette première fontaine de Girard va être entièrement démontée et remontée devant les anciens abattoirs de la Villette pour laisser place à une nouvelle fontaine qui, effectivement, dans le temps de 1853-1867, va être redéfinie. Et Gabriel Daviou, qui est l'architecte effectivement de l'idéalité haussmannienne, c'est-à-dire que c'est lui qui prend en charge l'architecture, va concevoir cette nouvelle place qui va changer de forme, un rectangle de grande dimension, et au sein duquel il va placer une nouvelle fontaine. Une nouvelle fontaine qui est dans l'axe du boulevard Voltaire, et on va décider d'amplifier encore cette place. Donc le rectangle va prendre de la largeur pour aboutir à la place qu'on connaît aujourd'hui, les dimensions de 280 mètres par 120 mètres. Quel est l'objectif de construire une place de cette dimension à cet endroit ? L'enjeu, c'est de rééquilibrer la carte parisienne. Il n'y a pas de grand espace public de représentation dans l'Est parisien. L'Est parisien industrieux, l'Ouest parisien monumental. Donc, vous voyez là encore cet effet de miroir avec une place de grande dimension qu'on peut qualifier de place publique moderne pour l'époque et qui devait justement montrer que l'Est parisien aussi pouvait avoir un espace de représentation. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Mama's gone away and your dad is gonna say he don't leave nobody but the babe. La grande place ouverte dans sa claire lumière et rien d'autre. À pas de géant du fond de l'espace, en toute hâte arrive le jeune décideur. Accessoires convenus, s'arrête au beau milieu, fourrage dans la poche du costume, tâte les autres poches, les vide dans sa main et ensuite sur sa mallette, pour finir par ranger une chose après l'autre, avec cérémonie, soin, méticulosité. Son mouchoir au coloris criard, les dés, une boîte de cirage, dont il tire un son de tam-tam, une coquille Saint-Jacques, la calculette, l'assommoir, la pomme, le bas de femme, le cœur en pain d'épices, les lacets, la liasse de billets en désordre, l'accordéon des cartes de crédit, la lampe de spéléologue. Ici, sur la place. Nous, on se situe en bas de la statue. On essaye de se couvrir de la pluie, mais on reste toujours en dessous de la statue. C'est un QG, c'est un lieu de rassemblement. Si la police ne vient pas nous virer aussi entre-temps, vous voyez. Ouais, on se fait virer tout le temps aussi. Pas. Tous les jours, mais, tous les matins, normalement, on se fait. Il y a au moins allez, 3, 4, 5 ou... C'est même flic qui vient innover tous les matins, pratiquement. 5h du matin. 5h30, 6h. Ouais. De manière assez agressive. Quand Pascal, il est mort. On l'a retrouvé comme ça, froid. Qui aime poser des cierges pour lui si c'est pas les gens de la rue? Voilà. Qui en a posé? Qu'est-ce qui s'est passé, là, exactement? Un mec, un monsieur qui est décédé il y a quelques mois en arrière. Et tout le monde est passé devant. Il n'y a que son binôme qui s'est inquiété. Voilà. Qui a posé des cierges pour lui? Personne, madame. Non, mais nous, tous les jours, on dort sur les bancs. À la rigueur, je veux pas tes sous, mais s'il te plaît, j'ai faim. Voilà, maintenant on est regardé comme des gens parce qu'on est de l'autre côté de la barrière, tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que quoi? Nous on est de l'autre côté de la barrière, ça veut dire qu'on n'est plus comme vous? Parce que dans tous les cas, on est dans un état qui est humain et qui est le même que le vôtre. Et ça c'est un état et c'est un fait, soyez homme ou femme, c'est l'humanité, et ben on est pareil. Et encore regardez, vous pouvez constater qu'on fait partie de ceux qui essaient de garder un minimum de dignité, ne serait-ce que dans notre hygiène. Et dans notre hygiène, je parle pas que de l'hygiène du corps, je vous parle de l'hygiène ici. Et voilà, il y a trop de misère à Paris, il y a trop d'SDF à Paris, il y a plus de SDF qu'en 55. C'est abusé. Mais ils nous auront pas cette fois-ci. Ils nous ont promis la lune, on n'a même pas vu une étoile. Ici, sa vie, c'est la vie. Voilà pourquoi nous y sommes restés depuis 45 ans. Parce qu'on a trouvé un appartement agréable, place de la République. Marie-Jo, riveraine. Parce que c'est un quartier qui est historique. Et toutes les vieilles pierres, moi, Jean, j'aime ça. Mon mari, pareil. Nous aimons ce quartier qui est le Marais. Hein, c'est limitrophe au Marais, mais c'est déjà le Marais. Et ce sont des vieilles pierres, c'est de l'histoire, ça vit. C'est pas du béton. En plus, il y a un quartier populaire, c'est vrai. Et ce quartier populaire, moi j'adore, c'est un village. Parce que les gens vous connaissent depuis si longtemps, vous appellent, vous téléphonent, on communique, on n'est pas un numéro. Moi, je ne pourrais pas vivre dans le 16e arrondissement et avoir des gens uniformes. République a toujours été un endroit où il s'est passé des choses. Mais il s'est passé des choses de façon... gentille. Il y a eu toujours des manifestations. Ça a toujours été intéressant. Moi, j'aime bien voir des gens qui ne sont pas d'accord. La libre expression, elle est pour tout le monde. Bon, maintenant que ça dégénère, c'est un autre problème. Mais on nous en a, en 45 ans, j'ai eu le loisir d'en voir beaucoup. Donc, tout se passe. C'est vrai, République Bastille, ça se passe par ici. On ne s'ennuie jamais. Après, tard le soir, dans les rues de Paris ou de Paname, j'ai dû hériter de son tempérament de flamme guerrière dans ma Quechua ou sur ma Yama. J'arrête pas de dire « y'a R » quand je marche avec les frères. Le début de la fin de l'Empire pour ces vampires, je vous le dis, le meilleur est à venir. Tu ne m'as pas vu débarquer quand je vais arriver dans le game, tu ne vas pas te relever. Je te Je le dis clairement, j'ai trop d'ambition, de bonnes protections, une vraie famille, Place République, le slogan, c'est que du luxe, devenu que du putain de luxe, j'arrête pas. La rage de devenir sans moine, quoi qu'il en soit, je reste qu'une môme qui met tout son cœur pour devenir number one, quitte à me faire des ennemis. Le chemin vers lui, on va, sachez juste mon blaze, moi c'est no, no, avec le W pour le style ou le poker. J'arrive pas pour frimer, mais pour tout niquer. En 1879, la ville de Paris décide de lancer un concours pour implanter une statue dédiée à la République. Au début, il n'est pas question de la place du Château d'Eau. Il y a un grand nombre d'espaces qui sont pressentis. Et plutôt, toujours, là encore, des places de l'Ouest parisien ou encore la place de l'Hôtel de Ville, au centre. Et finalement, eh bien, on a décidé que ce serait là que trônerait la statue des frères Maurice. Les frères Maurice qui vont gagner le concours. Charles, l'architecte, dessine le piédestal et Léopold, qui est sculpteur et qui dessine donc la statue. Du coup, la fontaine de Daviau ne peut pas coexister avec cette statue et elle sera d'ailleurs démontée et replacée sur la place Daumesnil qui est devenue la place Félix Éboué. L'implantation de la statue est un moment tout à fait important puisque elle donne à la place un statut là symbolique et politique. La statue est toujours dans l'axe du boulevard Voltaire. Elle regarde vers le centre de Paris. C'est une statue qui est assez figée, qui doit fixer un cap, qui marque une forme de sérénité. Et c'est un peu le contraire de la statue qui va être réalisée exactement à l'occasion de ce concours, donc au même moment, par Jules Dalou. Son triomphe de la République, qui est beaucoup plus revendicative et qui va de l'avant et qui va être repéré par la ville et qui va l'acheter et qui l'implantera quelques années plus tard, place de la Nation. Un skateboarder sinuant autour d'un objet imaginaire, puis d'un coup sautant de son truc qu'il a emporté sous le bras, dans une sorte de nonchalance contemplative. À partir de l'implantation de la statue de la République, la place acquiert une dimension plus symbolique, voire politique. On voit dès 1883, qui est la date de son inauguration, on voit des rassemblements étudiants qui collent des petites affichettes sur la statue. Et puis, voilà, il va y avoir une forme de montée en puissance de ces rassemblements à caractère plus revendicatif, mais dans une redéfinition de l'Est parisien. Et donc, c'est pas seulement la place de la République, mais c'est la place de la République prise dans des parcours de manifestation avec la place de la Bastille et de la Nation. Et le point fort de ces rassemblements et de ces manifestations, c'est les années 30 et le Front populaire. Les patrons ont violé systématiquement les lois pour la liberté du travail, préférant faire rentrer à coups de millions. Liberté, c'est pour déjà d'être libre, déjà la liberté d'expression. Par exemple, le sexisme, eh ben, c'est pas libre, enfin, que les femmes eh ben, soient libérées de ça. Égalité, c'est que les choses soient égales, que les riches, par exemple, ils donnent plus, voilà, pour que ça soit plus égal. Et fraternité, c'est être fraternel, de traiter les gens comme des gens de leur famille. Cette statue, c'est la statue où les gens y mettent des choses pour leur dire qu'il faut être plus... Parce que en fait, maintenant, les devises de la France, elles sont un peu... Les gens, eh ben, ils s'en rendent plus trop compte, en fait, de cette devise. Liberté, égalité, fraternité. Donc là, on est face au monument. de haut en bas, Marianne tenant le rameau d'olivier, donc le signe de paix. Nicolas Imbert, restaurateur des monuments patrimoniaux. Elle s'appuie de son bras gauche sur une stèle où est inscrit « Droit de l'homme ». Et elle tient, alors caché à l'arrière, le glaive. Ah non, il est à sa ceinture, on le voit au-dessus, le glaive. Donc elle a un symbole de paix dans la main, mais le glaive pour se défendre si on vient la contester. Elle se tient donc sur un socle en pierre, où on voit l'écusson de la ville de Paris, avec la nef et la devise « Fluctuat nec mergitur ». À droite et à gauche sont figurées trois sculptures représentant la liberté, l'égalité et la fraternité. Et en partie basse du socle, on a 12 reliefs qui représentent les événements importants de la République. Au pied du monument, on a le lion représentant le peuple, défendant l'urne du suffrage universel, et qui se tient devant un bouclier où est inscrit 1789, la date de la Révolution. Et là, en fait, on remarque qu'elle est complètement graffitée. Alors, ce monument a toujours été un lieu de commémoration ou de revendication, de départ de manifestation ou d'arrivée de manifestation. Donc, c'est un monument qui a régulièrement été, justement, graffité avec des slogans politiques, des slogans sociaux, des slogans... Et là, depuis 2015, des slogans à la liberté d'expression, à la mémoire des victimes des attentats de janvier et de novembre. C'est devenu un lieu de mémoire, un véritable mémorial aux victimes des attentats et à la liberté d'expression. Et on a vu fleurir depuis moins d'un an énormément de graffitis sur toute la surface, essentiellement concentrés dans les parties les plus accessibles, donc sur le tambour inférieur, mais également dans les parties supérieures, là où on peut, en escaladant audacieusement les figures en pierre, accéder. Alors évidemment, cet aspect mémoriel, n'est pas tout à fait compatible avec la conservation d'un monument patrimonial. Les éléments patrimoniaux, même s'ils sont urbains, ont un statut d'œuvre d'art. Et ce statut leur confère une certaine sacralité. On conçoit assez mal qu'une œuvre d'art, qu'elle soit évidemment a fortiori dans un musée, mais même en voirie, dans l'espace urbain, public, soit recouvert de graffiti. Donc évidemment, se pose la question récurrente, régulière, de l'entretien, donc du dégraffitage du monument. J'ai été appelé à plusieurs reprises à retirer un certain nombre de graffitis, plus ou moins en urgence. Je me souviens des manifestations organisées par ce qu'on a appelé les Conti, la manifestation de Continental au moment de la fermeture des usines Conti, où le lion avait été entièrement recouvert d'autocollants orange, du type de ceux qui sont posés sur les pneus neufs, avec des choses extrêmement difficiles à retirer. On avait eu aussi le célèbre slogan de notre ancien président, un casse-toi pauvre con, qui avait été repris en gros sur le fût, sur le socle, voilà, qu'il a fallu retirer extrêmement rapidement. Quelques petites anecdotes, mais c'est vrai que je suis toujours partagé entre mon sentiment de citoyen et mon sentiment de restaurateur. Devant l'horreur absolue de ce lion entièrement recouvert de stickers et cette fascination de cette intervention limite art contemporain. Une espèce de schizophrénie du restaurateur citoyen. La place vide dans la lumière claire. Une seule feuille tombe de très haut, telle une feuille d'été. Un coup de feu et son écho, encore et encore. Ailleurs, pendant ce temps, s'en va une jeune femme qui, chemin faisant, sort d'une pochette un paquet de photos. Les examine une à une, sourit d'un grand sourire, toujours plongée dans l'une de ces images, poursuit sa route jusqu'à ce que, croisant un passant indéfinissable qui sourit avec elle, son visage subitement se referme. Et l'autre prend le relais, transporte le sourire sur la place. Et alors Nicolas Humbert, comment est-ce qu'on monte pour nettoyer cette statue ? Si aujourd'hui on doit dégraffiter, dans les parties basses, le tambour inférieur qui culmine à 4 mètres je crois, ça reste très accessible avec un système d'échafaudage simple. Dans les parties plus élevées, on n'ira évidemment pas escalader les sculptures comme le font les gens qui posent les graffitis. On utilisera des nacelles qui nous permettront d'être à hauteur et de travailler en sécurité et dans les règles de sécurité qui nous sont imposées et qui sont souhaitables. Là, comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour préserver cette statue ? C'est un vrai problème. Bien sûr, il faut la préserver. Ça me semble évident. Mais je crois qu'il faut faire aussi preuve de pragmatisme. Je ne crois pas que en dégraffitant le monument de la place de la République, on va susciter chez les gens l'idée que ah ben non, c'est tout propre et que du coup il faut le respecter en tant qu'objet patrimonial et cesser de le graffiter. Je crois que maintenant l'idée que c'est un lieu de mémoire et profondément ancré. Je crois qu'on est aussi dans un moment de contestation sociale assez fort et que le lion représentant le peuple, défendant l'urne du suffrage universel, a aussi un sens. Ça me semble vain aujourd'hui de tenter d'aller retirer ces graffitis. Ils reviendront aussi vite qu'on les a retirés, même peut-être plus vite. On pourrait trouver peut-être une demi-mesure en allant nettoyer la partie supérieure du fût et en gardant le tambour comme lieu d'expression, sachant que là aussi, vraisemblablement, les graffitis reviendraient assez vite. Alors c'est moins accessible, donc on peut imaginer que les gens se contenteraient dans un premier temps de rester en bas, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus malin que les autres et qui aime bien monter toujours plus haut, quoi. Donc comme il n'est pas question de mettre des grilles ou de creuser des fossés profonds remplis d'eau et de crocodiles autour du monument, il faut pour le moment, à mon avis, attendre. Et alors, cette statue, elle est creuse ? Tous les éléments en bronze sont creux. La sculpture de Marianne a une trappe à ses pieds, totalement inaccessible et bien défendue. Il y a une clé. Une clé, mais qui permet effectivement d'aller inspecter les éléments structurels à l'intérieur. Et cette trappe permet d'aller inspecter cette armature. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Ça, c'est profond ? Ça va jusqu'où ? Alors, la sculpture donc, est entièrement vide. Donc, quand on est à ses pieds, là, on voit, on a l'impression d'être dans une grande cathédrale de bronze. Un peu étriqué, ceci étant dit, mais c'est assez impressionnant. Et le socle est creux et le vide descend jusque dans les sous-sols, probablement au niveau des égouts. C'est assez, assez spectaculaire. On y va ? On y va. J'ai oublié la clé. C'était la première partie de Place de la République à Paris, une place à construire. Avec Géraldine Texier-Rideau, Antoine Vigée-Colère, Nicolas Humbert, Patrice, Marie-Jo, Lila, passantes et passants, révoltés et autres rêveurs en place publique. Musique, chant et lecture des textes de Peter Handke, Léopoldine H.H., Vincent Bramoulet, Louise Muller et Giuseppe De Ponte. Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière de Clémence Grosse et Julie Béressy. Le second épisode de l'histoire de la place de la République, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.